Restons en Belgique avec Guillermo Guise. Ah, il est là. Oui. Ça va les amigos? Oui. Bon, ça y est, dimanche, on va tous voter, ouais. À part Daniel. Bon, j'espère que ça va se régler un jour, cette histoire d'échéance de droits civiques. Moi aussi. C'est moi trop aussi. Con. Pour un chien. Alors, même Alain Bourgain-Dubourg me disait off the record qu'en effet, ce fox terrier, il avait un regard très humain et qu'à votre place, même lui, dans la même situation, une boîte de nuit, un slow, une conso, tu sais comment. Enfin bon, à part notre apprenti vétérinaire, on vote dimanche et en France, c'est que les européennes en France, l'équivalent politique de la Coupe de la Ligue. Pas en Belgique. Non. Ah bon? Tu sens clairement que c'est la Coupe de la Ligue, hein, les européennes. Tu sens clairement que sur un malentendu, tu vois, même le PSG pourrait gagner. Tu vois, vraiment, Mais chez moi, en Belgique, c'est les européennes, les régionales et les fédérales. J'ai dit chez moi, Virginie. Chez moi. C'est subtil, oui. Mais il y a un sous-texte. Hein. Vous avez pris la nationalité française. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai arrêté de m'hydrater pendant plusieurs jours. Pour tenir bon, j'ai bu mes larmes. Parce que j'aime pas utiliser le terme trahison à la légère, mais ce que vous avez fait. Mais je suis belge, toujours. Oui, mais ces gens, ils nous ont fait beaucoup de mal, Virginie. Samuel Umtiti. Hein? Sans compter les films de la série Taxi. Gérard Rolls, ces gens nous ont fait du mal. Bref, pour la première fois de ma vie, je suis complètement désintéressé par la campagne politique. Quel acteur. Alors que je viens d'une famille très politisée. Hein. Genre, ma mère, elle s'est remariée avec Patrick Balkany. Elle va mieux d'ailleurs. Merci pour les petits mots de soutien, Léla, c'est super. Et, ouais. Et moi-même, j'étais passionné par la politique. Quand j'étais petit, vraiment, quand j'étais adolescent, je me disputais avec mon vieux réac de père. Il me faisait non. À ton âge, blablabla, bla bla, on se fait pas tatouer Jean-Michel Apathy sur le triceps. Je suis là, fuck you, je suis plus un bébé. Ma première fugue, t'imagines, à 11 ans et demi pour Jean-Michel Apathy. Bref, plus tard, je me suis rêvé grande plume politique et j'ai failli le devenir. Vous savez qu'en 2008, quand j'étais jeune journaliste à Bruxelles, j'ai écrit un article sur la crise politique belge dans le Figaro magazine. Véridique ? Véridique. Ouais. Ils m'ont jamais rappelé, ces bâtards. Fasciste ! Tout ça parce que je commençais mes articles par oui, ça va les amis gosses ? Vous trouvez pas que ce gouvernement, il donne envie de crever dans un bain turc ? Je suis passé du Figaro magazine à France Inter. Moi, je vais finir punk à chien, quoi. C'est sûr, c'est le déclin de la pente. Tu peux pas en attendant, la politique, ça, en ce moment, ça, j'en ai vraiment rien à bifle et je me demande pourquoi. Je me suis rendu compte qu'en fait... Je me suis rendu compte qu'en fait, plus je gagne ma vie, moins les décisions politiques impactent ma vie. Et plus je me désintéresse de la politique. J'en parlais récemment avec Nagui qui me disait, et encore, c'est que le début. Hein. Il me disait, là, t'es qu'un crevard de chroniqueur, mais tu verras quand t'auras de quoi t'acheter un requin. Je lui ai dit, ça s'achète un requin. Il me dit, toi, il faut que tu passes à la maison. Vraiment, tu vas halluciner. Mais je prends un exemple. Depuis quelques mois, les véhicules diesel d'avant 97, ils sont interdits de rentrer dans Bruxelles. Vous savez, ils sont. Ouais. Et ma grande sœur, c'est vrai. Et ma grande sœur, elle a une très très vieille Suzuki diesel, très vieille, genre bien avant la condamnation de Daniel et tout. Et ils ont fait des analyses CO2 sur le. Je pense genre les experts, ils sont morts de la silicose. Vraiment, c'est le pot d'échappement, il est en cire d'abeille. Vraiment, c'est une très vieille voiture. Mais ma grande sœur, du coup, elle peut plus rentrer dans Bruxelles avec sa voiture et elle peut plus venir me dire bonjour. Je vais être honnête, ça m'arrange un peu. Ma sœur, franchement, je dis pas que c'est pas une bonne personne, qu'elle a pas les qualités. Je la trouve vaguement sympa dans les grandes lignes et tout. Elle a des enfants, j'aime bien la plupart, mais il y en a, il faut bien du judo et tout, mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle vienne me dire bonjour, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, cette décision politique, elle impacte très concrètement, elle, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter et de la kétamine et une voiture, et alors qu'à un moment, il y a des choix quand tu es dans le dénuement, c'est vrai, alors que moi, si le gouvernement me disait que dorénavant, on peut se déplacer uniquement à cheval, je pourrais m'acheter un cheval. Bon, je fais qu'une chronique par semaine sur France Inter. Ce serait un petit cheval, tu vois, ou un cheval qui est un zona. Tu vois vraiment, ou un moche cheval. Tu vois, Tanguy Pastureau, par exemple, pourrait s'acheter un manège. Mais moi, clairement, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, qu'on augmente le prix de ceci, qu'on interdise l'accès à cela, finalement, moi, je peux contourner ça parce que je gagne bien ma vie pour le moment avec des sous. Eh bien, le seul truc qui pourrait vraiment m'impacter, c'est le niveau de la mer qui va grimper de. Eh ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que je vais aller voter pour le PSG dimanche. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Bravo. France Inter. Nagui, la bande originale.